Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, par Gaston de Rhys. Pierre de Terrailles, seigneur de Bayard, ce héros des héros, le seul peut-être, de nos grands hommes dont la gloire brille d'un éclat si limpide que nulle ombre, même la plus légère, ne la vienne ternir, naquit en 1476 au château de Bayard, dans la vallée de Grésivaudan, à 6 lieues de Grenoble, sur le territoire de la commune de Pontcharrat. Il fut confié aux soins de son oncle Georges de Terrailles, évêque de Grenoble, qui le nourrit des hauts faits de leurs ancêtres. « Souviens-toi, lui disait-il, souviens-toi que ton trisaïeul périt glorieusement aux côtés du roi Jean, à Poitiers, que ton bisaïeul et ton aïeul, à Azincourt et à Montlhéry, moururent pour leur roi, que ton père, enfin, ne compte plus ses blessures. » Dès l'âge de 12 ans, Bayard manifesta les vertus qui devaient le rendre si populaire, courage, honneur, modestie, générosité. Page du duc de Savoie, il brillait dans les tournois. Quand Charles VIII vint voir ce prince à Lyon, la merveilleuse adresse et la gentille accourtise du jeune Bayard lui plurent au point qu'il demanda au duc de l'attacher à son service. Bayard suivit le roi en Italie et se couvrit de gloire. À la bataille de Fornoux, il a 2 chevaux tués sous lui et s'empare d'un étendard. Sous Louis XII, il recommence à guerroyer quand ce prince fait valoir ses droits sur le Milanais. Il charge avec tant de fureur les fuyards aux portes de Milan qu'il pénètre dans la ville sans s'apercevoir et se fait capturer par les gens de Ludovic Sforza. « Comptiez-vous donc vous emparer de la ville à vous seul ?» raille le duc. « Je me croyais suivi d'une 50aine d'hommes résolus, » répond fièrement le bouillant soldat. Cette fière répartie plaît au prince qui lui fait rendre la liberté sans rançon et pousse la générosité jusqu'à lui restituer ses armes et son cheval. À quelque temps de là, Bayard fait prisonnier un capitaine espagnol. Il le traite avec magnanimité, mais celui-ci, loin de reconnaître ses bons procédés, porte contre le chevalier les plus basses accusations. Bayard le provoque en duel et le tue dans une rencontre qui exalte l'admiration des connaisseurs, ce capitaine étant réputé comme un des plus habiles bretteurs de son temps. En défendant à lui seul contre 200 Espagnols terrifiés par sa folle bravoure, un pont enjambant le Carigliano, Bayard protège la retraite de l'armée française. « Comme un tigre échappé, écrit Théodore Godefroy, historiographe de France, il s'accula à la barrière du pont et à coups d'épée se défendit si bien qu'il ne savait que dire et ne cuidait point que ce fût un homme mais un diable. » C'est à la suite de ce haut fait que le chevalier fut autorisé à prendre pour devise un porc-épic sigillé de ces mots « Vires agminis annus habet » qu'on peut ainsi traduire « Il vaut toute une armée à lui seul ». Il est nommé écuyer du roi et envoyé contre Gênes révolté, puis contre les Vénitiens. Sa valeur sut obtenir la soumission de Gênes et précipiter la défaite vénitienne à Agnadel. L'empereur Maximilien enviait le roi de France de posséder un chevalier aussi brave, aussi dévoué, aussi avisé que Bayard. Ce magnifique soldat montrait des qualités fort rares pour son époque. La guerre moderne, plus meurtrière parce que les instruments de carnage ont subi de détestables perfectionnements, est cependant moins féroce que la guerre du XVIe siècle. La soldatesque se livrait dans les villes conquises à de farouches excès dont les moindres étaient un pillage sans vergogne. Il était normal qu'on brûlât ou qu'on détruisît ce qu'on ne pouvait emporter. La guerre ne s'était pas encore hypocritement civilisée. Elle ne connaissait aucun frein, elle était furieusement destructrice. Or, dans ce XVIe siècle, si grand par les arts, mais si cruel et si abandonné à toutes les passions, si amoureux de la cautèle et de la force, dans cette époque brillante et dure comme l'acier, Bayard fit entendre la voix de la pitié et de la loyauté. Le duc de Ferrare voulait se débarrasser du pape Jules II, qui, après s'être déclaré notre allié, se révoltait contre nous, par une méthode chère aux petites cours italiennes, le poison. Bayard ne peut contenir son indignation et jure d'avertir le pontife du danger qui le menace. Son courage et sa science militaire décident de la prise de Bologne. Avec Gaston de Foix, il investit Brescia, mais il est blessé d'un grave coup de pique au cours de l'assaut. Le voici transporté dans la demeure d'un gentilhomme qui avait pris la fuite en laissant sans défense sa femme et ses filles. On imagine à quel danger étaient exposés ces infortunés, car la pudeur des femmes n'était pas plus respectée que les biens dans ses subversions. Elles se jettent aux genoux du chevalier et le conjurent de les prendre sous sa sauvegarde. Bayard défendit qu'on fît la moindre insulte à ces pauvres femmes qui tremblaient moins pour leur vie que pour les affronts que pouvait leur infliger une soldatesque ivre de ses excès. Quand il fut guéri, il refusa les 2500 ducats que mettait à ses pieds la reconnaissance de la mère de famille et les offrit aux jeunes filles qu'il avait sauvées des plus affreux périls. Il rejoignit Gaston de Foix devant Ravenne, prit une part efficace à la victoire, et la France n'eut pas pleuré un capitaine aussi jeune qu'illustre si Gaston, dans sa poursuite de l'ennemi, avait écouté les recommandations du chevalier. À la retraite de Pavie, il arrêta, avec 36 hommes, toute l'armée ennemie. Grièvement blessé à l'épaule, il se fit conduire au château paternel, d'où il était parti depuis une vingtaine d'années. Il demeura pendant quelque temps entre la vie et la mort, se désolant à la pensée qu'il pourrait rendre le dernier soupir dans un lit et non pas sur le champ de bataille. C'est ici que se place un des plus touchants épisodes de la vie de celui qu'on a surnommé le chevalier sans peur et sans reproche. Bayard devint amoureux d'une jolie jeune fille, dont la mère, réduite à un extrême dénuement, n'eut point rougi de tirer profit de l'inclination du héros pour son enfant. La bachelette fut amenée devant le chevalier par un complaisant intermédiaire. Dès qu'elle fut seule avec lui, elle versa des larmes abondantes et le conjura d'avoir pitié d'une demoiselle de qualité que l'adversité trahissait. Elle joignit les mains et voulut se précipiter à ses genoux, mais le noble Bayard l'en empêcha et s'écria « C'est moi qui devrais vous demander pardon, moi qu'un sentiment trouble égarait et qui allait commettre une action si indigne d'un homme d'honneur. Votre insigne pureté n'aura pas désormais de protecteur plus déterminé que moi. Je serai votre frère respectueux et vous me permettrez de vous doter, afin que vous puissiez prétendre à un établissement digne de votre naissance et conforme aux vœux d'un cœur si vertueux. » Et Bayard conduisit la jeune fille chez sa mère, à qui il fit honte des projets qu'elle avait formés. Une si rare décence n'annonce-t-elle point une âme d'une qualité exceptionnelle? Le tigre échappé du pont de Carigliano s'était métamorphosé en un agneau candide. Mais la guerre se ranime et Bayard, à peine guéri, quitte les Alpes pour les Pyrénées, Louis XII rêvant de reprendre la Navarre au roi d'Aragon. Au cours de cette expédition malheureuse, il sauve du désastre une partie de l'armée française. L'Artois est envahi par les Anglais, il y vole. Une panique s'empare de nos troupes devant Guinegate. Entouré de quelques compagnons fidèles, Bayard essaie de résister, mais les assaillants sont innombrables. Il faut conseiller à ses soldats de se rendre pour leur épargner d'être inutilement massacrés. Pour lui, il éprend son cheval et court sus à un officier anglais qui se reposait sous un arbre. « Rends-toi » ordonne-t-il, « rends-toi ou tu es mort !» L'autre lui abandonne son épée. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction de voir Bayard lui remettre aussitôt la sienne. Grâce à cet habile stratagème, Bayard devenait le prisonnier d'un homme d'armes qui avait d'abord été à sa merci, de sorte qu'il se trouvait quitte vis-à-vis l'un de l'autre. Le roi d'Angleterre traita Bayard avec les plus grands égards et lui rendit sa liberté. Dès que François Ier monta sur le trône, il nomma le chevalier lieutenant général du Dauphiné. Bayard prépara la victoire de Marignan et s'y surpassa lui-même en bravoure. On sait que le roi voulut être armé chevalier de la main de celui qu'il considérait comme le plus brave gentilhomme de ses états. Et Bayard, frappant du plat de son épée l'épaule du souverain agenouillé, attesta que François Ier était le premier monarque qui se faisait armer chevalier, puis, baisant sa lame malheureuse, il proféra, avec une sublime humilité, « Tu es bien heureuse, ô mon épée, d'avoir baillé l'ordre de chevalerie à un si vertueux et puissant roi. Je te garderai comme une relique sacrée, ma bonne épée, et je t'honorerai sur toutes les autres. » Quand Charles Quint envahit la Champagne et assiégea Mézières avec 100 000 hommes, Bayard, en délivrant cette place mal défendue, sauva Paris de l'invasion tant par son courage indomptable que par sa tactique et ses ruses. Il parvint, au moyen de lettres qu'il fit saisir par l'ennemi, à le persuader que la place était copieusement ravitaillée et allait recevoir des troupes fraîches. Bayard est nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel, accueilli par le Parlement en libérateur. Mais la peste ravage Grenoble. Il va secourir sa province, édicte les mesures les plus sages, distribue de larges libéralités. Appelé de nouveau dans le Milanais que François Ier s'était mis en tête de reconquérir, il essaye de réparer les fautes d'un incapable, l'amiral Bonnivet, et le 30 avril 1524, il est atteint par une pierre lancée au moyen d'une arquebuse à crocs qui lui brise la colonne vertébrale, tandis qu'il soutenait la retraite française au passage de la Sésia. Il voulait mourir face à l'ennemi et dit au connétable de Bourbon, présent à ses derniers moments, « Ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, mais vous qui trahissez votre patrie, votre souverain, votre parole. » L'ennemi lui décerna de royales funérailles. Bayard, qui haïssait l'intrigue et gardait en toute occasion son franc-parler, n'a jamais commandé en chef, mais nul ne lui méritait plus que celui qui joignait, écrit un de ses biographes, la prudence à la valeur, la sagesse à l'intrépidité, l'amour de la patrie à l'amour de ses devoirs, soigneux et vigilant, fertile en ressources, également propre à l'offensive et à la défensive. Un dernier trait. Bayard mourut pauvre, à une époque où la guerre était considérée comme une industrie fructueuse, où le pillage organisé était de règle. Modèle de désintéressement et de générosité, Bayard est le type le plus pur du héros. Ainsi s'achève Bayard, chevalier sans peur et sans reproche, par Gaston de Risse.